à la recherche temps perdu. De ces meilleurs moments vécus, on voudrait tant qu'ils perdurent. Je sais que c'est dur quand on repense à toutes ces plus belles aventures. À la recherche de son passé, dans les moments douloureux, on ne cesse d'y penser. Cela nous fait souffrir, donc la solution est se projeter dans l'avenir. On vit toujours à travers les souvenirs, au soucieux de ce que l'on va devenir. Jamais dans l'instant où n'existe plus le temps. À la recherche de soi-même, pouvoir un jour se dire dans la glace je t'aime. À défaut de se trouver que des défauts, complexés, facilement vexés par le regard des autres. Beaucoup sont mal dans leur peau, à ne pas s'apprécier tels qu'ils sont. S'observer sans se juger est la meilleure des façons pour s'ouvrir à de nouveaux horizons. À la recherche de l'amour, avoir quelqu'un auprès de nous qui nous appartient pour toujours. Assouvir nos désirs dans une société où l'on a besoin de posséder. Maintenant l'homme et la femme sont considérés comme des objets. On a tous le même idéal, arriver à un certain âge, rencontrer une fille, ensuite fonder une famille. Car se retrouver seul, l'être humain on a peur, ce n'est pas dans nos mœurs. Nos couples pleurent de ne pas réussir comme est leur. À la recherche de notoriété, on veut tous exister, devenir une célébrité. Trop vivre dans la compétitivité, c'est dans la nature humaine. Il faut être le meilleur dans chaque domaine, à vouloir être plus fort que autrui. En quête de pouvoir, sans le savoir, on se détruit. À la recherche de beaucoup de choses, parce qu'à l'intérieur de nous, tout n'est pas rose. On manque de confiance en permanence, on rentre facilement dans la dépendance. Sans en prendre conscience, esprit fragilisé, nos actes et nos pensées sont souvent influencés par la télé, qui nous pousse à ressembler autre à ce que l'on est. À la recherche du bonheur, connaître une vie meilleure, pour la trouver, elle est en nous, à l'intérieur. On peut toujours se lever de bonheur, on n'effacera pas nos malheurs si on croit que notre sauveur est à l'extérieur. Se contenter de peu peut parfois nous rendre heureux, comme observer la beauté d'une fleur. Il n'y a que la nature et ses couleurs pour nous mettre du baume au cœur. Se contenter de peu peut parfois nous rendre heureux, comme observer la beauté d'une fleur. Il n'y a que la nature et ses couleurs pour nous mettre du baume au cœur. À la recherche de réconfort, être bien dans son corps, la drogue ou le sport, chacun a son remède qui aide à se sentir fort. À la recherche de l'amour, à la recherche de la beauté, à la recherche du bonheur, à la recherche du réconfort. Être humain est sans cesse à la recherche. À la recherche.